Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, c'est la marche des sciences. La première, vous l'avez vue à quel âge ? En 75. La deuxième en 76. La troisième en 89. La quatrième en 2002. Et la cinquième en 2005. On parle de greffe rénale. Oui. On a vu 5 déjà et c'est la sixième. Oui, c'est la sixième, oui. C'était le 31 janvier dernier, Anne Moulmy, patiente du service de l'unité greffe rénale du professeur Christophe Legendre de l'hôpital Necker à Paris, subissait une sixième greffe de rein. Une première en France et une réussite rendue officielle depuis lundi 8 juin par les équipes de néphrologie, transplantation rénale d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Necker et d'urologie de l'hôpital européen Georges Pompidou Necker. Le tout, c'est la PHP, bien sûr. Mais c'est là aussi et surtout un espoir formidable pour des patients qui, comme Anne Moulmy, sont atteints d'une maladie qui détruit les reins, le SHUA. Le syndrome hémolytique et urémique atypique et contre lequel la recherche scientifique a mis au point un médicament. Depuis la première greffe de rein réalisée en France le 24 décembre 1952 sur un jeune charpentier français âgé de 16 ans, Marius Renard, qui devait décéder 2 mois plus tard et qui avait ému le monde entier, l'histoire de la recherche médicale et de ses avancées en ce domaine est celle du combat de médecins et de patients ligués contre la mort. Une aventure de visionnaire et d'audacieux qui a été marquée dès le début par des hommes comme les professeurs Jean Burger, René Cus ou les docteurs Gabriel Richer et Jules Trégère. Une histoire écrite par des médecins et des malades avançant de front contre la fatalité. Aujourd'hui, le couple a fait des miracles et a permis de réaliser cette sixième greffe de rein. C'est l'histoire de cette réussite, de ces avancées de la recherche et de la médecine. C'est une histoire humaine et médicale que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui sur France Culture avec Anne Moulmy, venue tout spécialement de Boulogne-sur-Mer où elle réside, et avec le professeur Christophe Legendre, chef de service de l'unité de greffe rénale adulte à l'hôpital Necker. Une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales, Sandra Escamez et Gwen Michel, et avec également des extraits d'un film réalisé par Jean-Paul Pénégri de l'agence Discover. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, place à la carte blanche de Catherine Decopé qui a promené son micro au Musée des Arts et Métiers à Paris. Vous pouvez voir en ce moment et jusqu'au 6 mars 2016 une exposition intitulée « Invention design, regard croisé ». Elle nous dévoilera les objectifs et les secrets de cette exposition qui mêle art, science et histoire dans un reportage avec Antoine Fenoglio, co-commissaire de l'exposition, et Lionel Dufaux, chargé des collections du musée. Mais tout de suite, un sixième rein pour la vie. Hier soir, nous étions le vendredi 30 janvier et vers 19h, nous avons eu un appel de greffe, c'est-à-dire la proposition par l'agence de la biomédecine d'un rein qui venait de l'Est de la France et qui était pour une de nos patientes inscrites, connues depuis très longtemps. Il y a une maladie très particulière qui peut récidiver sur les greffons et qui fait qu'elle avait déjà perdu 5 greffons. Donc le rein qui lui était proposé était un rein qui pouvait correspondre à une sixième greffe. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'elle ne s'est jamais présentée en France. Ça va, vous dormez un peu, vous avez pris le produit, vous avez sommeil? Un petit peu. À quoi vous pensez? À qui vous pensez? À rien. À rien? C'est bien? Je fais le vide dans ma tête. Vous avez envie que ça passe? J'en ai déjà que ça soit fini. Bonjour Anne Moulmy. Bonjour. Bonjour professeur Christophe Legendre. Bonjour. Alors on vient d'entendre un extrait du film réalisé par Jean-Paul Pénégri avec donc cette interview du docteur Franck Martinez, docteur néphrologue, médecin hospitalier dans le service de transplantation rénale de l'hôpital Necker à Paris, donc que vous chapeautez, Christophe Legendre. Et puis Anne Moulmy, donc vous étiez dans ce sujet bien évidemment, et on vous retrouve, il faut le signaler aussi, avec un beau témoignage qui a été édité dans le livre coordonné donc par le docteur Franck Martinez et par Ivani Caillé, qui s'appelle « D'autres reins que les miens », paru au Cherche Midi. Et nous avions à cette occasion, d'ailleurs, je le signale pour les auditeurs, le 28 février dernier, consacré la Marche des sciences à cette histoire, justement, des greffes et des maladies de reins et puis des solutions depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce 30 janvier, un rein, donc, disponible. Le professeur Arnaud Méjean et le docteur Sophie Hurel, chef de service d'urologie, vont procéder à l'opération. Comment ça se passe concrètement, Christophe Legendre? Donc, on vous appelle, mais tout doit aller très vite. Hein. C'est l'histoire des fameux dons. Effectivement, l'Agence de la biomédecine nous appelle en nous disant, nous proposant un rein pour tel patient, qu'on arrive à joindre en général, qui vient le plus vite possible à l'hôpital. Et ensuite, les équipes chirurgicales et l'anesthésie sont prévenus aussi, se préparent, et nous, dans le service, on prépare le ou la patiente qui va être transplantée, c'est-à-dire on lui fait des prises de sang, on vérifie que tout va bien, et puis on commence à donner les premiers médicaments anti-rejet. Oui. Et ensuite, le ou la malade va au bloc, et reste ensuite, après l'intervention, quelques heures au réveil, pour d'une part se réveiller, bien sûr, et puis gérer le traitement antidouleur. Et puis ensuite, les patients reviennent dans notre unité. À partir du moment où vous recevez ce genre d'appel, donc combien de temps pour réagir? Parce que là, dans le cas de Anne Moulmy, vous résidiez à Boulogne-sur-Mer, donc il faut quand même le temps de revenir sur Paris. Oui. Donc combien de temps, professeur Legendre? On essaye d'aller le plus vite possible. La moyenne en France est de l'ordre de 18 heures entre le moment où le rein est prélevé chez le donneur et le moment où le rein est relâché chez le receveur. Donc voilà, 18 heures, mais on sait que dans des cas un peu exceptionnels, on peut aller un peu plus longtemps, jusqu'à une trentaine d'heures. Alors Anne Moulmy, donc, vous êtes prévenue, et puis là on vous entendait dans cet extrait du film de Jean-Paul Pénégri, faire le vide dans votre tête. Alors faire le vide, pourquoi? Pour ne pas revivre rapidement toutes ces étapes de votre propre vie, rythmées par la maladie, par les greffes multiples? Oui, et puis bon, en même temps c'était quand même la sixième, donc j'avais déjà vécu 5 greffes. Hmm. Bah, j'avais quand même un peu peur, mais bon, voilà quoi, je suis partie quand même sereinement. Quand Monsieur Martinez m'a appelée, en fait, j'y croyais pas trop, parce que moi, j'étais prête pour partir en dialyse ce jour-là. Donc, j'ai fait ma dialyse avant. Et puis, bon, j'ai pensé beaucoup, on pense quand même, c'est quand même la sixième, quoi. Mmh. Donc, qui est quand même plus délicate. Déjà, la cinquième était très délicate, donc la sixième... Puis on savait pas encore vraiment ce qui allait se passer. Donc quand je suis arrivée à Necker, ça a été tellement vite. Monsieur Martinez, il est venu, il y avait les infirmières, enfin tout le monde. Ils m'ont préparé. Mais j'étais quand même sereine. J'ai essayé de penser à rien. Parce que je me suis dit, de toute manière, je suis là. Je l'ai voulu, cette greffe. Donc maintenant, on a toujours le choix. Hein. J'avais pas le choix. Oui, mais c'est vous qui aviez insisté, effectivement, parce qu'une sixième greffe, on peut être un peu réticent. Il y a eu quelques cas, mais très peu, professeur Legendre. Oui, très peu dans le monde. Aux États-Unis, plutôt, c'est ça ? On a un doute sur quelques sixièmes, peut-être une septième, mais enfin, c'est exceptionnel, de toute façon. Alors, à l'âge de 5 ans, Anne Moulmy, vos reins ont cessé de fonctionner, victime de ce fameux syndrome hémolytique et urémique atypique qui avait déjà tué vos deux sœurs aînées, Roselyne et Sylvie, âgées respectivement de 2 et 8 ans. Oui. Vous avez deux frères qui, eux, ne sont pas touchés. Non, ils n'ont rien du tout. Il n'y a que les filles qui ont été touchées. Pourtant, j'ai mes frères qui sont plus âgés, donc entre deux, il y a eu mes sœurs, mes frères, et moi, je suis la dernière. Et il n'y a que les filles qui ont été touchées. Pourquoi on n'en sait un peu trop rien, quoi. Parce que moi, mes sœurs, c'est arrivé quand même à la naissance. Bon, en même temps, ils étaient malades aussi moteurs, quoi. Je veux dire, ils pouvaient ni marcher, ni parler. Ouais. Bon, il y avait déjà de lourds handicaps, en tout cas. Voilà. Ouais. Moi, c'est quand même arrivé qu'à partir de 4 ans et demi, quoi. D'accord. Donc, c'est arrivé quand même un peu plus tard. Professeur Legendre, c'est une maladie très spécifique, on peut en parler justement. Une maladie spécifique qui touche combien de personnes d'ailleurs? C'est une maladie très rare qui touche à peu près moins de 100 personnes par an, à peu près la moitié d'enfants, la moitié d'adultes. Et c'est une maladie qu'on connaît depuis très longtemps, mais qu'on n'expliquait pas, et qu'on a commencé à mieux expliquer au milieu des années 90. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que certains malades avaient des anomalies génétiques, dans un système de défense de l'organisme qui s'appelle le complément. Le complément, oui. Ça agit pour détruire les microbes qui nous envahissent. Et c'est très bien régulé, très finement régulé. Et en fait, certains patients ont des anomalies génétiques qui font que ça commence à se déréguler. Et donc, le complément est trop activé. Et du coup, ça va aller produire des lésions dans les petits vaisseaux d'un certain nombre d'organes, en particulier des reins. Et ça va finir par les obstruer. Donc ça bouche une partie du rein et donc ça laisse des séquelles très importantes. Donc il y a les gens qui ont cette petite mutation et puis il y a d'autres gens comme Anne qui ont fabriqué des anticorps contre certaines parties du complément. Donc ça dérégule également. Mais c'est pour ça que dans son histoire, quand on reprend ce qui s'est passé, elle a récidivé sur certaines greffes, mais pas sur toutes. Il y en a deux qui ont duré, je crois, 11 et 13 ans, oui. Où il n'y avait pas de récidive. Et puis elle a récidivé sur la quatrième greffe, en 99. Et en 99, on savait faire ce diagnostic. Donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert pourquoi elle faisait cette maladie. Et donc la dernière greffe, la sixième, on a essayé de la faire avec un système, ce qu'on appelle des échanges plasmatiques, c'est-à-dire qu'on enlève le plasma qui contient ces fameux anticorps qui sont toxiques et on les remplace par du plasma normal. Donc ça a marché pendant un certain temps, mais ça n'a pas suffi parce qu'après, on peut perdre son greffon de d'autres causes. Mais Donc c'est une maladie en tout cas qui peut se mettre en sommeil, on peut dire, et puis revenir. Ah, complètement. Mmh. C'est une maladie à rechute ou à récidive. Et qui ne touche pas forcément que des femmes, que ce n'est pas une maladie sexuée? Non, c'est un petit peu plus de femmes, mais oui. C'est de l'ordre de 60-40%. Et à vrai dire, on ne sait pas pourquoi. Alors quand vous parliez de 100 personnes touchées, c'est en France, j'imagine. Oui, en France, c'est moins de 100 personnes par an. Bon, et il faut juste donner peut-être un autre chiffre, mais qui permet de prendre la mesure. Le rein, bien sûr, est un organe vital. Il y a 2 millions de personnes affectées en France par des maladies rénales, avec cause génétique, immunologique ou toxique. En tout cas, voilà, ça c'est l'ensemble des malades. Et puis parmi ces malades, il y a effectivement ceux touchés par ce fameux SHU atypique. Anne Moulmy, donc à 45 ans, suivie à l'hôpital Necker depuis 1975, vous aviez donc subi 5 greffes de rein durant votre vie. Necker, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même le berceau de cette spécialité. Je vous propose d'écouter tout de suite un document d'archives sonores, le fameux professeur Jean Amburger. Voici ce qu'il disait le 5 mai 1960, c'est dans l'émission Actualité de midi. Et vous allez voir, finalement, la recherche avance plus vite qu'il ne le pensait. Nous avons la conviction que la réussite définitive de la greffe du rein, qui signifiera à la fois la guérison d'un très grand nombre de malades, peut-être 50 000 malades chaque année, rien que dans notre pays, d'un grand nombre de malades qui ont des reins détruits et qui sont à l'heure actuelle voués à une mort certaine, la guérison de ces malades dépend de la rapidité avec laquelle on arrivera à résoudre le problème de la greffe du rein. Nous avons la conviction que ce problème sera résolu, mais il sera résolu dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans peut-être, parce que nous ne pouvons l'étudier, les quelques équipes qui sont consacrées à ce problème ne peuvent l'étudier que lentement, parce qu'ils ont peu de moyens et qu'on ne peut prendre les différents éléments de l'analyse de recherche nécessaire que bout à bout, les uns après les autres. Si nous avions la possibilité financière de mettre simultanément sur toutes les hypothèses possibles, sur tous les éléments que nous devons étudier les uns après les autres, un nombre suffisant d'équipes de recherche, je suis convaincu que ces 20 ou 30 ans avant le succès final pourraient se transformer en 1 ou 2 ans. Professeur Legendre, une réaction, parce qu'à la fois ce document, donc je le rappelle, date du 5 mai 1960, hein, une archive des fonds de l'INA. Il y a 60 ans, il faut le rappeler aussi, l'insuffisance rénale condamnait irrémédiablement. Et là, on entend le professeur Amburger déjà parler de l'argent nécessaire pour la recherche. C'est toujours d'actualité, hein, il faut vraiment lancer cet appel, bien sûr, avec ses vies au bout et à sauver. Mais voilà, qu'est-ce que ça suscite en vous par rapport à cette première justement réalisée aujourd'hui? Ça suscite beaucoup d'admiration parce qu'en fait ça c'est 1960, mais il écrivait déjà des choses extrêmement pertinentes sur la greffe dans les années 45, à l'époque où finalement personne ne s'y intéressait. Et quand on reprend tout ce qu'il a écrit, il avait anticipé beaucoup de ce qu'on a découvert après ou ce qu'on a confirmé après. Et c'est incroyable. Et il a fait ça dans le domaine de la transplantation, dans le domaine des maladies rénales, dans le domaine de la réanimation médicale, dont il a été aussi un des pionniers. Il avait une espèce de vision d'anticipation extrêmement impressionnante. Et rétrospectivement, on ne peut qu'être admiratif. Alors, le problème d'argent, il existait. Moi, j'ai retrouvé dans certains de ses dossiers des vieilles lettres qu'il adressait à son directeur d'hôpital en lui disant « Je n'ai pas de moyens, je ne peux pas faire ça, les lits ne sont pas propres, la salle est sale. » Il faut... Bon, et ce qu'on a tendance à dire un peu maintenant aussi. Donc, c'était déjà un problème à l'époque. En même temps, lui avait tout l'art aussi de convoquer des ministres dans les chambres des patients et de les amener face à des patients et en sortant de la chambre, leur dire « Écoute, Monsieur le ministre, cette personne-là que vous venez de voir, demain, elle ne sera plus là. » C'est vrai qu'il avait un très grand pouvoir. Et d'ailleurs, il a fait construire ce bâtiment à Necker, qui à l'époque était le palais, ça s'appelait le palais du Rhin, puisque sur 8 étages, il y avait d'un côté les maladies des reins et de l'autre l'urologie, avec des unités de recherche, avec une immense bibliothèque, avec un système d'archives. C'était extrêmement moderne pour l'époque. Alors à son époque, la réussite de la greffe, il y avait le problème du rejet, hein, et donc au-delà des problèmes de fond, mais la recherche était une priorité. Le rein artificiel permettait de faire des miracles encore et sauver des gens à l'époque. Hein. Cette vie de dialyse, Anne Moulmy, vous l'avez connue aussi. Hein. Oui, je l'ai connue, oui. J'ai connu la dialyse péritoniale, j'ai connu les bypass aussi. C'est-à-dire, c'est quoi ça, concrètement? Les bypass, en fait, c'est un tuyau. Et bon, au lieu que ça soit une fistule qu'on pique dans une veine ou une artère, c'est deux tuyaux, mais c'est déjà plus contaminé, on peut avoir plus de microbes. Donc, parce qu'une fistule, il faut avoir des bons vaisseaux, de bonnes veines, que moi, j'avais pas trop. Et puis depuis l'âge de 5 ans, on imagine qu'effectivement le corps souffre aussi par rapport à tout ça. Et vous l'avez écrit dans ce témoignage que vous avez laissé dans le livre « Des reins autres que les miens ». La dialyse, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Alors en 1999, à 30 ans, quand vous subissez la perte du troisième greffon, là on sent dans votre témoignage que vous vouliez tout arrêter. En tout cas, surtout plus de dialyse. C'était ça à l'époque? Oui, je ne voulais plus dialyser, j'en avais un peu marre, quoi, parce que depuis qu'on est gamin, on essaye d'avoir la force de combattre la maladie comme on peut, d'être en forme, d'être bien. Mais au bout d'un moment, vous avez beau essayer de tout faire, si ça veut pas aller, ça veut pas aller, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit troisième, quatrième, voilà. Donc j'en avais un peu marre. Et c'est surtout à la quatrième greffe qui a pas fonctionné du tout que j'ai beaucoup souffert. Là, j'ai dit, j'arrête, quoi. Mais là, vous avez un entourage et des médecins qui ne vous ont pas lâché, quand même. Voilà. Donc, le professeur Legendre. À l'époque, il y avait le professeur Kress qui était là, qui est venu me voir parce que j'en avais marre. Je pleurais tellement parce que je pouvais me rester presque 4 mois. Et il est venu me voir et il m'a dit, écoute, parce qu'il me connaissait. Et quand même plus de 20 ans qu'il me connaissait. Un grand nom, Kreis, justement, de cette recherche-là. Hein. Et puis donc, il m'a dit, je lui ai dit, c'est tout, je veux repartir à ma maison. De toute façon, là, on ne peut plus rien faire. Il m'a dit, je te laisse repartir. J'ai dit, mais je voudrais savoir si on pourrait faire une 5e greffe. Et de là, il m'a dit, écoute, on va réfléchir, on va voir, tu te reposes. Et de là, on s'appelle. Et effectivement, quelques mois après, la coordinatrice, elle m'a appelée et elle m'a dit, c'est bon pour les examens. Donc, je suis venue sur Necker. Professeur Legendre, c'est vous qui m'avez vue pour la 5e greffe. Et de là, on a fait les examens et le professeur m'a dit, c'était possible. Donc, j'étais quand même contente. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2005. J'étais greffée en 2005. Ah, c'est ça, hein, 2005. Ouais. Alors je vous propose, puisque vous m'en donnez l'occasion, Anne Moulmy, justement, de vous faire écouter une autre archive sonore, extraite des fonds de l'INA, toujours. 30 mai 1972, vous allez entendre la voix du professeur Jules Trégère de l'Anticaï à Lyon. Il s'exprimait dans Interactualité à l'époque et à l'occasion du 4e congrès international de transplantation à Lyon. Donc c'était 2 ans après votre naissance, hein, si je ne m'abuse, 72, Anne Moulmy. 69. 69, 30, 3 60. Ans, mettons un peu. Oui. Et donc il est question des greffes, et il s'exprime au micro de Germaine Bartoli. Le dernier recensement, début avril 72, 9000 greffes faites au monde. Il y en avait seulement 5200 au début de l'année 1971. Donc une augmentation de près de 30% par an. Et en Europe encore, on a fait un beaucoup plus gros effort, puisque l'augmentation a été de 90% au cours de l'année dernière, par rapport à l'année précédente. En France, c'est un petit peu moins élevé. Nous avons une augmentation de 21% avec 175 greffes qui ont été réalisées l'an dernier. Donc les greffes de reins sont de plus en plus fréquentes, les indications sont de plus en plus nombreuses, et puis on peut recommencer des greffes si elles ont raté. Bien sûr. Lorsqu'il y a un échec, qui est surtout fréquent lorsque l'on s'adresse au transplant à partir d'un donneur cadavre, eh bien, dans ces cas-là, on peut recommencer une deuxième transplantation. Il y a même certains centres américains qui sont allés jusqu'à 3 ou 4 transplantations successives. Mais enfin, ça, c'est un chiffre un peu élevé. Quant à l'âge des patients, il baisse toujours. Vous faites maintenant, vous greffez assez fréquemment des enfants et le nourrisson ne pose pas plus de problèmes, en fait. Je dirais que les enfants d'âge moyen ne posent pas plus de problèmes, que le nourrisson posera des problèmes techniques malgré tout difficiles, étant donné l'étroitesse des vaisseaux, la difficulté des sutures vasculaires, la difficulté de mise en place d'un greffon qui est parfois celui d'un adulte, provenant d'un adulte qui doit être mis dans le corps, dans l'abdomen d'un enfant, d'un nourrisson. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors, professeur Christophe Legendre, je me tourne vers vous parce que là, donc, avec cette archive sonore qui remonte au 30 mai 1972, mine de rien, on est à quasiment 3 ans de la première greffe que Anne Moulmy va subir. Elle avait 5 ans. Donc là, ça résonne parce qu'on parle justement des enfants. J'imagine qu'une greffe sur des bébés dans ces années-là, c'était pas évident. Aujourd'hui, peut-être qu'on les pratique plus facilement, mais... On les pratique plus facilement, mais ça reste compliqué d'abord parce que la taille des vaisseaux est très, très fine. Et donc, c'est une chirurgie qui est encore plus difficile que la chirurgie chez l'adulte. Et d'ailleurs, il y a plus de sérins qui échouent par thrombose de l'artère, l'artère où la veine se bouche parce que c'est très difficile. Donc, il faut à la fois les greffer le plus vite possible pour qu'ils grandissent, le mieux possible. Et puis, pas trop tôt non plus. Parce que c'est plus compliqué ou trop compliqué sur le plan technique. Donc, le choix de la transplantation est difficile. Et la taille du rein aussi, non ? Et la taille du rein. Mais la taille du rein, les enfants sont greffés la plupart du temps avec des reins d'adultes, avec de bons résultats. Puisque, heureusement, la mortalité des enfants de cause brutale et qui amène à un prélèvement de reins est relativement rare par rapport aux causes chez l'adulte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, les enfants sont greffés avec des reins d'adultes, dans la grande majorité des cas. Anne Moulmy, donc vous aviez 5 ans. Vous, dans votre cas, il a fallu un an après, vous avez subi une nouvelle transplantation parce que le premier rein n'avait pas fonctionné. Voilà, non, n'avait pas fonctionné. Moi, comme on parlait de bébé, c'était un bébé. Oui. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Et en 76, ça a très bien fonctionné, 12 ans. Et c'était une jeune fille de 21 ans. Donc, j'avais 6 ans et c'était aussi un adulte qui a très bien marché. J'ai une scolarité normale, enfin, voilà quoi. Une enfance, on va dire, à peu près normale. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Mmh. Et voilà. Et puis après, forcément, après, ça a été la troisième. Il y a toute la question des dons aussi, des dons d'organes. Oui. Anne Moulmy, je crois que dans votre cas, à un moment, votre maman s'était portée candidate, en tout cas, pour vous offrir un de ses reins. Oui. Puis à l'époque, c'était pas possible non plus, parce que ma mère, elle est quand même assez forte. Et elle commençait à avoir des problèmes de cœur. Donc, c'était pas possible. Mes frères, moi, je voulais pas. Parce que ils étaient jeunes et puis voilà quoi. J'ai eu une transplantation après assez vite, donc j'ai pas attendu longtemps. En fait, j'ai attendu un mois entre la deuxième et la troisième. Professeur Legendre, cette question des dons, elle est importante parce que la législation a évolué. Aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, si le défunt ne s'est pas opposé au don de ses organes, il est présumé y consentir, hein, c'est ça ? Exactement. Il y a une possibilité légale d'un registre national du refus sur lequel quiconque peut s'inscrire. Il y a peu de gens, en fait, qui sont inscrits en pratique, qui ne connaissent pas la loi, théoriquement, consent. En pratique, c'est difficile de se passer de la discussion avec la famille. Donc, les médecins qui s'occupent de prélèvement demandent à la famille ce que pensait la personne qui vient de décéder. Et soit elle pensait quelque chose, elle en avait parlé, et c'est simple pour tout le monde. Éventuellement, elle a une carte sur elle qui indique qu'elle était désireuse de donner un rein. Soit, le cas le plus fréquent, elle n'y a pas pensé. Et là, c'est une question d'interprétation et de mots à utiliser auprès de la famille, justement. Exactement. Hein. Et là, la famille doit prendre une décision. Et c'est peut-être plus facile de dire non que de dire oui, parce que pour ne pas trahir ce qu'aurait peut-être pensé le donneur. Donc, c'est une situation compliquée. C'est pour ça que les modifications de la loi, elles vont dans le sens d'une affirmation de ce consentement présumé qui aidera peut-être les médecins qui s'occupent de prélèvements à aborder ça de façon plus sereine. Encore que ce soit difficile d'être serein dans des morts violentes, c'est toujours une situation difficile pour eux. Et après, il y a toute la question de la sélection aussi, le fameux tribunal des dieux dont on parle parfois, c'est-à-dire se dire, ben voilà, là on a un organe, mais qui sur la liste ? Alors ça, c'est assez bien réglé maintenant. Il y a des règles qui sont réévaluées régulièrement, qui sont discutées avec les associations de patients, avec l'agence de la biomédecine, avec les médecins. Et globalement, c'est un mélange d'équité et d'efficacité. Ces règles sont assez bonnes, et d'ailleurs elles sont assez bonnes et elles sont à peu près les mêmes dans tous les pays, à peu de choses près. Donc le temps d'attente joue, et puis la recherche d'une ressemblance, d'une compatibilité entre le donneur et le receveur. Donc à peu près tous les pays font un petit mélange de ces deux facteurs pour arriver à quelque chose qui soit acceptable. Les enfants passent en premier, les enfants sont absolument prioritaires. En France, en tout cas pas dans tous les pays, mais en France oui. Alors justement, puisqu'on parle des enfants, on va s'intéresser au parcours en tant qu'enfant et aussi au parcours des familles face à cette maladie aussi spécifique, le SHU atypique. On va écouter tout de suite un extrait d'une interview du professeur Chantal Loira, chef de service néphrologique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Elle s'exprimait le 29 décembre 1998 dans l'émission « Changement de décor » sur France Culture. C'est des maladies chroniques. C'est un des exemples de la maladie chronique touchant des enfants. Et c'est évidemment dans ces pathologies-là que l'équipe a son rôle très complexe, très valorisant, mais aussi très difficile, qui est, il faut soigner, il faut accompagner, il faut informer. Rien ne doit être caché du premier jour de la connaissance de la maladie. C'est la seule manière pour les parents de se battre avec nous. Et il faut absolument réussir le coude à coude avec les familles. Quel que soit le caractère des médecins, des soignants, des parents, il faut y arriver, puisque le but, c'est mener l'enfant à bien. Anne Moulmi, je me tourne vers vous, parce qu'on se dit, bon, vous avez été touchée à l'âge de 5 ans. À quel moment est-ce que, finalement, vous avez vraiment pris conscience de tout ça? On vous a tout expliqué? Est-ce que d'emblée, vous avez été impliquée ou on a essayé de vous préserver? Non. En fait, quand je suis arrivée à Necker, je ne comprenais pas trop ce qui allait m'arriver, forcément, parce qu'à cet âge-là... après, quand on m'a enlevé mes reins et que j'ai commencé à faire la dialyse, on a expliqué forcément un moment avant. Et après, on est venu me voir et on m'a expliqué avec des mots, forcément, J'ai tout de suite réalisé que j'étais malade et puis que... On peut pas dire que j'ai été plus perturbée que ça. J'ai tellement été bien accompagnée, j'ai tellement eu ma mère qui s'est toujours bien occupée, tout le monde, aux enfants, à Necker, ils ont tellement été gentils parce que la première fois j'ai quand même resté 6 mois. Devenu votre environnement finalement. Voilà. C'est ça. Je disais tout à l'heure, c'est ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. Et oui. Je viens ici, je viens à Paris. Dans votre deuxième maison, comme vous dites, c'est bien, vous avez de l'humour, mais il en faut, je pense, professeur Legendre. En tout cas, dans ces parcours-là, c'est vrai que ce sont des parcours dans lesquels il faut impliquer et les patients et les familles, quand il s'agit notamment des enfants. Ça pose ces questions-là, bien sûr, par rapport à l'information. Alors, surtout en pédiatrie, parce que ce que disait Chantal Loira, qui, en passant, est une des spécialistes mondiales de cette maladie, est tout à fait vrai, mais ça, c'est quand même très adapté aux enfants. À partir du moment où ils passent dans le secteur adulte, les familles, bien sûr, accompagnent et ont un rôle important à jouer, mais on s'adresse surtout au malade lui-même, plus qu'à sa famille, puisqu'il est parfaitement en âge de comprendre, et donc on essaye surtout de donner l'information au patient lui-même. Et c'est surtout, comme disait Anne Moulmi, la dialyse. Il faut peut-être qu'on en parle un petit peu, parce que tout le monde ne prend pas conscience de la lourdeur et du changement de vie. C'est quoi? C'est 3 séances par semaine, à raison de combien de temps? C'est 3 séances, 3 ou 4 heures, le plus souvent 4 heures. Oui. Plus on dialyse, mieux c'est, puisqu'on remplace le rein pendant une période plus longue, et donc c'est plus efficace. Mais effectivement, c'est astreignant parce qu'il faut adjoindre le temps de trajet, le temps d'attendre d'être branché. Quand on sort, on n'est pas toujours en pleine forme. Donc il y a des gens qui s'y font très bien et qui continuent à travailler, qui continuent à vivre le plus normalement possible. Et puis certains pour qui c'est... C'est une vie de prison même, hein. C'est ce qu'on lit souvent dans les écrits. Une vie de prison tout simplement parce que si on veut partir ne serait-ce qu'en vacances ou en voyage, comment on s'organise? Oui, on peut pas ne pas y aller. Enfin si, on peut ne pas y aller, mais on prend un gros risque. Donc en fait, en pratique, on est astreint. à ce stade de l'émission. Anne Molmy, c'est votre moment à vous, c'est votre choix musical. Alors, vous nous avez proposé deux chansons, je crois que vous aimez particulièrement. Vous allez choisir tout de suite soit Céline Dion, I'm Alive, ou alors la chanson tirée du film Tout ce qui brille de Géraldine Nakache, qui a été reprise de celle de Véronique Sanson, hein, c'est ça. Donc voilà, Céline Dion. Céline Dion. Allez, Céline Dion, on y va. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings. C'est le choix de Anne Molmy. C'est la suite de la Marche des Sciences sur France Culture, en compagnie justement de Anne Molmy, célèbre greffée française dorénavant, hein, on peut le dire comme ça, puisque vous avez subi avec succès une 6e greffe de rein, une première en France grâce aux équipes de néphrologie, transplantation rénale, d'anesthésie, réanimation de l'hôpital Necker et d'urologie de l'hôpital européen Georges Pompidou et Necker, et avec nous également le professeur Christophe Legendre du service de l'unité greffe rénale de l'hôpital Necker à Paris. Histoire médicale et humaine que vous nous faites partager depuis 14 heures, parcours de combattant pour la vie et que l'on peut retrouver sous forme de témoignage dans le livre coordonné par le docteur Franck Martinez et Ivani Caillé, le titre « D'autres reins que les miens » paru au Cherche Midi. Et alors, tout de suite, c'est justement le docteur Martinez que nous allons retrouver, filmé par le réalisateur Jean-Paul Pénégri, dans un film d'ailleurs dont je vais vous donner le titre, Première mondiale à Necker, 6e greffe rénale, au cours d'un SHU atypique. Effectivement, on voit que, si vous voulez, au-dessus du rein, ça passe pas bien, ça passe pas. Donc les informations, c'est que le rein est mal perfusé, donc il faut reprendre le vaisseau et faire en sorte que plus de sang arrive dans le rein pour faire ce qu'on appelle un pontage. Entre le milieu d'après-midi et le début de soirée, normalement, vous devriez avoir cette opération pour reperfuser le rein. Alors, 5 semaines après l'opération, il fallut intervenir sur le rein, Anne Molmy. Oui. En fait, il y avait les artères, ils étaient bouchées. Donc, on m'a mis des stents. Donc, c'est le professeur Monsieur Méjean qui a fait l'intervention. Parce qu'en fait, j'urinais pas comme il fallait, quoi. Donc, forcément, comme c'était bouché, c'était encore une épreuve. Parce que, au début, on se dit, ça marche bien et tout. Ouais. Puis, là... Professeur Legendre, vous attendiez un petit peu à des complications peut-être ? Parce que c'est vrai qu'il fallait déjà la réaliser cette première. On s'attendait à des complications, ça c'est sûr. Mais finalement, on en a eu beaucoup moins. Et celle-là était En fait, l'artère au-dessus de l'endroit où le chirurgien s'est implanté était très rétrécie. Elle n'était pas bouchée, parce que si elle avait été bouchée, ça aurait été dramatique. Elle était juste rétrécie. Et donc, on hésitait entre un pontage, c'est-à-dire enlever cette partie de l'artère et mettre un autre tuyau, une partie d'artère saine, ou bien, ce que disait Anne, c'est-à-dire lui mettre un stent, c'est-à-dire qu'une espèce de bigoudi qui est introduit par voie endovasculaire et qui va aller dilater la paroi de l'artère. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait parce que c'était plus simple. Et du coup, de façon assez extraordinaire, à partir du moment où le sang a pu entrer dans le rein greffé, elle s'est remise à uriner tout de suite. Donc ça a été assez miraculeux. On ne s'attendait pas à ce que ça soit si immédiat. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, le nombre de complications a été relativement faible sur le reste de la transplantation. Oui. Donc ça, c'est la grosse crainte qu'on a eue. Et là, aujourd'hui, à ce stade, tout va bien. C'est-à-dire quoi, ça fait maintenant 5 mois? Oui, 5 mois. Pour l'instant, tout va bien. Vous êtes bien suivi, j'imagine, quand même? Oui, très bien suivi. La moindre petite fièvre, le moindre petit bobo, bah, tout de suite, j'appelle. Forcément, il y a toujours des petits trucs, comme là, j'ai eu des petites choses à côté, mais ça, c'est bénin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Beaucoup d'espoir, je disais au début de cette émission, professeur Legendre, avec un médicament tout nouveau, hein, qui, justement, permet de lutter contre ce fameux SHU, le syndrome hémolytique et urémique atypique. Et donc, ce médicament, il porte un nom, c'est... L'éculizumab. Oui. Donc, fabriqué par un laboratoire américain, c'est ça? Exactement, Soliris, laboratoire Alexion. Oui, le nom du médicament, c'est Soliris, effectivement, le nom commercial. C'est un médicament qui a été utilisé dans une autre maladie extrêmement rare, une maladie hématologique, qui aboutit à la destruction des globules rouges, cette fois-ci, et qui handicape terriblement ces patients. Et donc, cette molécule a été utilisée dans cette maladie avec une très grande efficacité et une très bonne tolérance également. Et donc, c'était assez logique d'essayer de la tester dans une circonstance où, justement, le complément était très activé. Et de fait, ça a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a peu de médicaments comme ça dans une vie qu'on est amené à voir avec une telle efficacité. Donc efficacité et tolérance, ça a été quand même très très nouveau. Et tous les gens qui souffrent de la même maladie canne, qui ont été greffés, n'ont pas récidivé leur maladie, alors que d'ordinaire, elles récidivent dans 9 cas sur 10. Quoi. On a du recul, en tout cas, pour analyser ça? On a du recul, on a maintenant à peu près 5 ans de recul entre le début des études et puis les patients qu'on a mis après, non pas dans des études, mais puisqu'il y a une autorisation de mise sur le marché, donc dans cette indication. Puis on a un très long recul sur la maladie hématologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on connaît bien ce traitement, on en connaît les avantages, ils sont très nombreux. On connaît un inconvénient aussi, qui est le prix, qui est très élevé. Et oui, j'allais le dire, effectivement, je crois qu'en moyenne, c'est quoi, 250 000 euros par an et par patient? Est-ce qu'on peut... On peut en rajouter 100. C'est vrai. Oui. 350 000. Oui. Et c'est vrai que là, on se pose la question, devant la vie qui n'a pas de prix, certes, est-ce que... L'appât du gain ne devrait pas disparaître, j'ai envie de dire. C'est un peu la réaction peut-être spontanée qu'on peut avoir en se disant « Mais les labos, pourquoi c'est si cher ?» C'est une question difficile que tous les pays ont réglé de la même façon. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les pays du monde entier, ce médicament a eu l'autorisation de mise sur le marché et a été utilisé chez les patients. Donc il n'y a que l'Australie qui ne le donne que pour une période d'un an. Mais dans tous les autres pays, même des pays difficiles comme l'Angleterre, qui sont des pays rudes, de ce point de vue-là, le médicament est autorisé. Après, pourquoi ça coûte si cher? Ça coûte cher parce que, théoriquement, c'est un médicament qui ne peut être donné qu'à moins de 100 patients par an. Et donc, c'est un laboratoire qui a travaillé pendant une douzaine d'années sans produire du tout de médicaments. Et donc, finalement, tout cet argent qui a coûté à la recherche et à faire marcher la boîte pendant tant qu'il n'y avait aucun produit qui en était issu, ça a un coût. Alors après, effectivement, à l'heure actuelle, ça paraît faramineux, et ça l'est. Ça l'est, parce que la vie n'a pas de prix, mais enfin, elle a quand même un coût. Oui. Et donc, il faut trouver des alternatives qu'on n'a pas encore trouvées, il faut bien le dire. En tout cas, c'est tout le problème de cette recherche sur les maladies rares aussi. Exactement. Bien évidemment. Anne Molmy, donc vous prenez ce médicament depuis combien de temps? J'ai commencé à le prendre en 2000, après ma cinquième greffe, mais je ne l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai eu à peu près 3 ans après ma greffe. Donc la cinquième, c'était en 2005? Ouais, donc mettons 2008. 2008-2009, oui, j'ai commencé à l'avoir. Et jusque 2013. Après, on l'a arrêté parce que je repassais en dialyse. Donc, j'ai arrêté pendant un an, et demi. Et là, vous l'avez repris juste avant la sixième greffe, j'imagine. Voilà, je suis partie avec le traitement. Quand je suis arrivée, je l'ai eu. Ou je suis partie avec pendant l'opération, quoi. Un traitement qui consiste en quoi, en fait? C'est lourd? Une injection d'une demi-heure, c'est relativement simple. Enfin, Anne pourrait le dire mieux que moi, mais je pense que c'est un traitement simple. C'est simple, oui. C'est une perfusion qui dure, professeur Jean, une demi-heure. Et puis bon, moi, j'ai pas... Ça me fait rien, quoi. C'est pas de... Mais toutes les semaines, tous les mois, c'est... Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. On arrive presque au terme de cette première grande partie de l'émission. Le temps file vite avec vous, bien sûr, professeur Legendre. Les progrès sont rapides. On entendait ces voix de Jean Burger au début de l'émission, de Trégère. Et en même temps, on sent que la recherche avance. Est-ce que finalement, on est à l'aube d'une autre solution, peut-être, pour les patients, c'est-à-dire à l'aube d'un rein artificiel implantable? On est sûrement à l'aube de modifications, mais probablement pas celle-là. Mmh. Parce qu'en fait, un rein, c'est pas très noble comme organe, en tout cas ça n'a pas l'air bien noble, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça fait travailler ensemble des dizaines de structures différentes et qui sont bien intégrées, bien homogènes et bien organisées. Donc c'est un organe extrêmement compliqué et c'est sans doute pas le premier organe qu'on utilisera comme organe de remplacement. En revanche, on commence à avoir maintenant ce qu'on appelle de l'induction de tolérance, c'est-à-dire qu'on traite le receveur au moment de la transplantation avec un traitement plus lourd que ce qu'on obtient ce qu'on utilise à l'heure actuelle, avec pour objectif d'arrêter le traitement après quelques mois, voire quelques années, et de se retrouver sans aucun traitement immunosuppresseur. Donc sans traitement, donc avec moins de complications infectieuses, moins de complications tumorales. Et ça, on l'espère depuis 50 ans, et il y a une quinzaine de patients qui ont eu ce traitement aux États-Unis et qui sont, à partir d'un an de greffe, sans traitement immunosuppresseur. Donc on est probablement pas très loin de pouvoir l'utiliser, sans doute pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de patients, en particulier ceux qui ont un donneur vivant. Donc ça, ce serait les avancées pour demain, en tout cas, concrètes. Et ça, ce serait extraordinaire, parce que du coup, on supprimerait certaines des complications, et donc pour les malades, ce serait vraiment très très bien. Et vous avez d'autres patients en attente d'une sixième greffe? Non. On en a à attendre d'une cinquième, mais pas d'une sixième. Pas de sixième. Donc, Anne Moulmy, vous êtes quand même un cas particulier en France, on peut dire. Hein? Oui. Alors, vos perspectives à vous? Moi, je vois la vie déjà autrement. Hein? Disons, on peut revivre quand même mieux que la dialyse. Je pars, comme on disait tout à l'heure, je pars en vacances. Et j'ai l'autorisation des médecins, donc je vais partir en vacances à la fin du mois. Et j'ai eu beaucoup de malheur. C'est vrai que j'ai eu sixième greffe, mais j'ai eu énormément de chance quand même. Vous qui vouliez être médecin quand vous étiez jeune, et en même temps, cette maladie vous a empêché de faire les études que vous vouliez faire? Voilà, exactement. J'aurais adoré parce que les médecins, pour moi, c'est... Voilà, quoi. Mais je suis fière. Je suis fière quand même toute l'équipe parce que... Je suis fière aussi un peu de moi, parce que on est arrivé un peu là quand l'être. Même. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas de mots pour expliquer tout ce que je ressens. Ça part du cœur, en tout cas, professeur Christophe Legendre. 30 ans que vous vous connaissez tous les deux? Oui, à peu près, puisque moi je suis arrivé à l'hôpital Necker en 87, donc elle y était déjà. Mm-hmm. Et donc voilà, ça doit faire à peu près 30 ans qu'on se connaît. En tout cas, comme vous l'écriviez dans ce livre, justement, où on retrouve votre témoignage, Anne Moulmy, dans ce livre coordonné par le docteur Martinez et Yvanie Caillé, « Des reins autres que les miens », vous disiez « Le temps est mon allié » et on sentait que vous aviez foi en la recherche. Oui, la recherche, c'est tout l'espoir qu'il peut y avoir. Là, justement, je parlais avec une amie sur Boulogne, qui est malade, mais autre chose. Et justement, on parlait d'une association. Si je peux faire quelque chose, pour l'hôpital Necker, je vais essayer de regrouper des gens, moi, de mon côté, pour pouvoir avancer la recherche, avancer dans le temps. Parce que moi j'ai eu six greffes, mais en fait, il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui souffrent aussi de la dialyse, la greffe, parce que parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Il y a des gens qui sont dans d'autres maladies et qu'on peut pas les greffer parce que Donc j'aimerais bien voir. J'en ai pas encore discuté parce que c'est vrai qu'il y a eu, j'ai eu beaucoup de choses aussi qui s'est passé. À gérer, on peut l'imaginer. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai parlé parce que de mon côté sur Boulogne, Et j'ai vu avec quelqu'un. Si on peut essayer de faire une association, et j'en ai parlé, si à Necker, vraiment, on aurait besoin de quelque chose, si je peux le faire, je vais faire tout mon possible pour pouvoir le faire. Je le ferai, quoi. J'irai jusqu'au bout, quoi. Et c'est ce couple-là que vous formez, en tout cas, et médecins et patients, et contre ces maladies. Merci à tous les deux, professeur Christophe Legendre et donc Anne Moulmy. Merci aussi d'être venus de Boulogne-sur-Mer. Bon retour, en tout cas. Et puis, merci. Vous restez avec nous, parce que là, c'est la dernière partie de la marche D'accord. des sciences. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec tout d'abord une actualité littéraire concernant un monstre sacré des mathématiques, salué en 1966 par la prestigieuse médaille Fields, prix Nobel des mathématiques, Alexandre Grothendieck fut souvent comparé à Einstein. Un génie du siècle, donc, considéré comme le refondateur de la mathématique algébrique, mort le 13 novembre 2014 à 86 ans en Ariège, où il s'était retiré depuis 1990. Eh bien, il fait l'objet aujourd'hui d'un livre paru aux éditions Priva. Le titre, Alexandre Grothendieck, itinéraire d'un mathématicien hors norme. Un livre que l'on doit à Georges Bringuier à découvrir donc. Et puis à vous conseiller aussi sur ce terrain des génies en mathématiques, le film documentaire « La lettre scellée du soldat Dublin », un film de Jürgen Ellinghaus et Hubert Ferry, réédité à l'occasion du centenaire de la naissance de Wolfgang Dublin, jeune mathématicien franco-allemand, mort dans la fleur de l'âge le 21 juin 1940, génie des probabilités modernes. En tout cas, une belle histoire, là encore, humaine et scientifique, à voir absolument avec ce DVD « La lettre scellée du soldat Dublin », édité chez K-Film. Dans cette seconde partie, on retrouve tout de suite Catherine Decopé et sa carte blanche. Bonjour Catherine. Bonjour Aurélie. Alors un petit tour du côté du Musée des Arts et Métiers à Paris, où se tient depuis le 2 juin et jusqu'au 6 mars 2016 une exposition intitulée « Invention, design, regards croisés ». Alors qu'est-ce que les designers contemporains doivent aux inventeurs d'hier ? C'est à cette question que tente de répondre cette très belle exposition dont on doit le commissariat au fondateur de l'agence de design Les Six Mots. Le concept de l'exposition est de confronter des objets innovants de notre époque à des objets anciens tirés des collections du Musée des Arts et Métiers, objets anciens qui témoignent de l'ingéniosité des inventeurs au fil de l'histoire. Une façon de rapprocher la démarche de l'inventeur de celle du designer, notamment en ce qui concerne la finalité d'utilisation de l'objet. Le visiteur porte ainsi un regard neuf sur des inventions passées dans le quotidien, comme l'ampoule à incandescence ou encore l'hélice d'avion. Alors, quatre grands thèmes pour cet espace d'exposition, des grands thèmes qui fédèrent tous les objets et les inventions présentées, l'essentiel, le contexte, l'audace et la curiosité, sans oublier un fil rouge autour de la notion de série qui permet de donner à voir l'évolution de certaines inventions révolutionnaires, comme le vélo. Et pour commencer cette visite, je vous propose de rester sur le vélo et de rejoindre la première salle, où nous attendent Antoine Fénolio, co-commissaire de l'exposition, et Lionel Dufaux, chargé de collection du musée. Dans la série des vélos présentés, nous nous sommes arrêtés sur le Yike Bike, une bicyclette ultra-moderne d'un nouveau genre avec un nom impossible à dire. Dans sa forme, il a l'air assez moderne, effectivement, bien qu'il rappelle le vélocipède, ou même le grand bi, avec une roue avant bien plus importante que la roue arrière. Je ne suis pas convaincu de la stabilité de ce vélo, mais je pense qu'il est innovant, parce qu'on se passe sur ce vélo-là de la chaîne, qui pourtant a fait ses preuves dans la vélocipédie depuis pas mal d'années. Il n'y a pas de guidon non plus. Si, il y a un guidon, mais il n'est pas devant vous. Il est sur, vous le tenez de part et d'autre de vos cuisses. Donc il est à hauteur de cuisse et du coup c'est un petit peu effectivement une navigation un peu différente. On va aller du côté audace, si vous le voulez bien, regarder un objet très particulier. En tout cas, il a sa place dans l'histoire des sciences puisque c'est un appareil d'étude pour la synthèse du rubis. Alors expliquez-nous, Lionel Dufaux. Alors, visuellement, l'appareil se compose d'une sorte de trépied qui supporte un chalumeau et au-dessus de lui un petit dispositif électrique. C'est un appareil qui a été conçu vers 1891 par Auguste Verneuil, qui était chimiste. Et Verneuil, qui s'intéressait beaucoup aux terres rares ou aux pierres précieuses, a cherché pendant pas mal d'années le moyen de synthétiser des pierres précieuses, c'est-à-dire de pouvoir produire des pierres précieuses selon un processus tout à fait artificiel. Alors pas du tout pour le bonheur des joailliers, c'était pas ça l'idée hein. Pas tellement pour les joailliers, non. En l'occurrence, cet appareil d'étude qui est fait pour les rubis devait permettre de fournir aux horlogers des rubis qu'on utilise comme élément de contact entre les rouages des montres et des pendules pour limiter les frottements en fait des pièces métalliques entre elles, de manière à limiter l'usure. Et l'usage en horlogerie s'est avéré efficace. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on utilise toujours des rubis synthétiques pour limiter les frottements entre les rouages des montres. Antoine Finoglio, face à cet appareil pour la synthèse du rubis, on s'aperçoit que le design n'a pas toujours été présent dans l'histoire des inventions, parce qu'on ne peut pas parler là d'objet design, ou si, malgré tout. Non, moi je ne parlerai pas d'objet de design parce que ça serait un petit peu abusif, même si je trouve que la qualité esthétique de cette pièce est absolument remarquable. Mais non, il n'y a pas de designer qui est intervenu là-dessus. Non, ce n'est pas une pièce de design. C'est une très très belle pièce qui pourrait inspirer des designers. En cherchant ces thématiques, on a surtout voulu, rendre hommage à l'invention et que le designer... dont on dit souvent qu'il est génial, qu'il fait des choses absolument démentes, reprendre conscience qu'il est quand même extrêmement dépendant des inventions passées et encore de celles d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur la partie contexte, alors on va refaire quelques mètres s'il vous plaît. L'innovation, c'est introduire ceci dans la réalité. Alors il y a tout un tas d'autres aspects industriels, le prix, il ne faut pas que ça explose, il faut que ce soit accepté par les gens, etc. Donc ça prend du temps. En moyenne 15 ans entre une invention et l'innovation qui en découle. On appelle ça le temps de latence. Lionel Dufaux, on ne peut pas faire la visite de cette exposition sans passer à côté de cet objet totalement impressionnant visuellement. C'est un objet qui ressemble à une sorte de bouquet complètement circulaire avec des petites galettes en matière plastique, je pense, qui sont reliés au centre de la boule par des branches en bambou. Ça forme une très grosse boule, mais d'apparence assez légère. Une boule, en fait, qui permet de déclencher sur son passage des mines antipersonnelles qui auraient pu être déposées sur des terrains, de manière à déminer ces terrains sans risquer la vie de démineurs humains. Alors c'est un objet vital qui surtout naît d'un regard de designer, en l'occurrence Massoud Hassani, d'origine afghane, qui réfléchit sur un usage qui permette à la fois d'assurer le déminage, mais aussi de le faire à un coût qui soit accessible. Et il développe une pièce, comme le disait Lionel, qui est une pièce extrêmement simple en conception, qui a presque une pauvreté technique par rapport à un démineur professionnel de l'armée, mais qui permet une efficacité très liée au contexte, notamment parce que cette grosse boule va comme un buisson sur un champ où il y a du vent et elle va être poussée par le vent. Donc la motricité est assurée aussi dans un contexte géographique particulier, sur des champs qui sont quand même relativement désertiques et relativement plats. Donc une intelligence de conception par rapport au contexte qui, ici et dans ce cas-là, est fondamentale. La taille est assez monumentale, on est face à un objet qui fait à peu près 2 mètres de haut. Oui, c'est ça, il fait à peu près 2 mètres de diamètre, donc c'est une très très grosse pièce. Ouais. Comme dans toute invention un peu étonnante ou un peu spectaculaire par rapport à ce qui existe, sur le marché, il y aura probablement aussi ce qu'on appelle un temps de latence pour arriver à faire en sorte d'accepter que cette invention soit utilisée au fur et à mesure par les populations qui doivent être touchées par... On revient à cette notion de curiosité donc en fin d'exposition. Lionel Dufaux, on est face à un objet qui ressemble vraiment à une machine à fabriquer la barbe à papa. En tout cas, c'est comme ça que le carton nous oriente. Elle fonctionne exactement comme une machine pour faire de la barbe à papa, si ce n'est qu'on ne met pas du sucre à l'intérieur, mais des billes de plastique pour recycler en fait des matières plastiques et générer une sorte de laine de plastique que l'on va pouvoir utiliser pour fabriquer d'autres objets, des objets utilitaires. Mais on est exactement sur le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est la force centrifuge qui va entraîner cette matière un peu chauffée pour en faire des longs filaments qu'on va ensuite récolter et que l'on va façonner. L'usager de demain sera peut-être celui qui va télécharger les plans de cette machine et aller voir son syndic d'immeuble et dire à la place de ma poubelle de recyclage, je voulais pas qu'on mette ça. Comme ça, on pourra produire de la laine isolante pour l'immeuble et la boucle est bouclée. J'aurais pu vous parler d'une foule d'autres objets ingénieux, Aurélie, comme le Rolling Bridge, un pont qui s'enroule sur lui-même comme un scorpion. Mm-hmm. Et donc je vous invite à courir voir cette exposition, mais vous avez jusqu'à mars prochain. Ah ben on sent qu'il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, merci Catherine et merci à vos invités. Informations et liens à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Et puis ensuite, vous cliquez sur Archive, vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant un an. Et c'est la fin de ce numéro de la Marche des Sciences. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à la fidélité de toute l'équipe. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesnay, Anaï Morales, Sandra Escamez et Gwen Michel. Et je n'oublie pas Jeannine Vital à la documentation sonore de Radio France, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Jean-Richard Dufour. La semaine prochaine, dans le cadre d'une émission spéciale Idée Savoir la Relève, qui concernera d'ailleurs de nombreuses émissions sur France Culture, nous vous proposerons un débat avec deux jeunes historiens-chercheurs, acteurs d'un nouveau terrain de recherche en histoire des sciences, celui de l'environnement et du risque. Et nous serons avec Christophe Bonneuil et Fabien Locher. Et demain, autre rendez-vous de Culture Science à ne pas rater, bien sûr, à 14h, Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et puis dans un instant, à 15h, vous avez rendez-vous avec Antoine Garapon pour Esprit de Justice. Mais tout de suite, les bonnes feuilles du jour, belle journée sur nos antennes, source de bien-être, bien sûr.